Chapitre 5. Avant de comparaître devant le commissaire de police, elles durent attendre une heure et demie, dans le poste au milieu d'une vingtaine de gardiens de la paix. Ces messieurs se montrèrent aimables. Il ne faisait pas chaud et le poil ronfla comme en hiver. On leur prêta une vieille brosse chauve, un peigne à moustache. Bien qu'ayant couché ensemble dans les bras l'une de l'autre, elles ne s'étaient pas encore parlé. On leur permit d'aller à la fontaine, dans la cour. Là, après s'être observées quelque temps du coin de l'œil, sans se départir de leur grande froideur, elles se rendirent pourtant certains petits services. « Voudriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à rattacher mon chignon ?»« Madame me donnerait-elle un coup de brosse, là, entre les deux épaules ?»« Madame, je vous remercie. » Soudain, s'étant regardées bien en face, l'une et l'autre en même temps, elles pouffèrent de rire. « Quelle cuite hier !» avoua Hortense. « Dis, étions-nous bêtes, toi et moi ?»« Sacré pays, va !» s'écriait l'autre très ému. Elle ne put que répéter 7 ou 8 fois de suite son « sacré pays ». Tout finit par un déjeuner copieux en cabinet particulier. Hortense offrit ça d'elle-même, dans sa joie, dès que le commissaire les eut relâchés. Les 60 francs y restèrent, et on se passa joyeusement de Gustave. Vers 5 heures du soir, Hortense et Chichite, les mains égarées, la bouche à la peau, dormaient pâmées aux bras l'une de l'autre.